L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On parle souvent de la très faible abondance de matière ordinaire dans l'univers, à peine 5% de la quantité totale de matière-énergie. Le reste étant accaparé par l'énergie noire, 68%, et la matière noire, 27%. Mais parmi ces 5% de matière baryonique, celles dont sont faites les étoiles et nous avec, saviez-vous que près de la moitié est encore introuvable ? Enfin, plus maintenant, car un grand pas vient tout juste d'être franchi. Des simulations numériques montraient que ces baryons manquants, comme on appelle cette portion de matière formant la moitié de la matière baryonique, devaient se trouver sous la forme de vastes étendues de gaz chaud à quelques millions de degrés, tapissant la toile cosmique. Ce n'était que des hypothèses fortes, mais une équipe d'astrophysiciens vient d'observer pour la première fois ce gaz très diffus associé aux filaments intergalactiques de matière. Les chercheurs suisses de l'Université de Genève et de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ont observé un amas de galaxies nommé Abel 2744, avec le télescope à rayons X, XMM Newton, qui est capable de détecter l'émission de gaz très chauds. Plus précisément, les astrophysiciens se sont intéressés aux régions situées juste autour de Abel 2744, qui sont répertoriées comme des zones filamentaires. Rappelons que la matière à très grande échelle se distribue en une sorte de réseau formé de nœuds reliés entre eux par de grands filaments de matière. Les nœuds sont les zones de plus forte densité de matière, ordinaire et noire, où l'on trouve naturellement les amas de galaxies. Ce vaste réseau est parfois appelé la toile cosmique. Dominique Eckert et ses collaborateurs ont donc pointé XMM Newton dans les zones filamentaires entourant l'amas Abel 2744 et ont réussi à détecter la présence de gaz dont la température avoisine les 10 millions de degrés. Les chercheurs parviennent non seulement à mesurer la température de ce gaz chaud, mais aussi à en déterminer la densité sur une distance s'étalant jusqu'à 8 mégaparsecs, environ 30 millions d'années-lumière. Et la valeur de masse qu'ils obtiennent colle parfaitement au modèle de simulation numérique en expliquant maintenant la vraie nature de ces baryons manquants vus directement pour la première fois. Ce gaz chaud ferait entre 5 et 10% de toute la masse des filaments, matière noire comprise. Les résultats de cette étude publiée cette semaine dans la prestigieuse revue britannique Nature apportent ainsi une validation importante des modèles de formation des galaxies développés depuis de nombreuses années par les astrophysiciens et cosmologistes. Il reste maintenant à montrer que le cas observé autour de Abel 2744 n'est pas un cas particulier et qu'il peut se généraliser à l'univers entier. Mais les astrophysiciens semblent désormais confiants que l'explication des baryons manquants par la présence de gaz chaud peuplant les filaments de matière de la toile cosmique soit la bonne explication. L'intérêt pour les régions filamentaires de l'univers ne fait que commencer. Il sera notamment très intéressant pour les astrophysiciens de connaître plus en détail la composition chimique de ces vastes étendues de gaz, notamment leur composition en noyaux lourds qui trace la production totale des étoiles depuis l'origine des premières galaxies. Le futur télescope à rayons X Athéna, que doit lancer l'Agence spatiale européenne à la fin des années 2020, devrait notamment jouer un rôle important dans la suite de cette caractérisation des baryons manquants, entre guillemets, qui vont finir justement par perdre définitivement leur qualificatif. L'article de Dominique Eckert et ses collaborateurs est donc paru dans Nature en date du 3 décembre 2015, le numéro 528. Et son titre est « Warm hot baryon comprise 5 to 10% of filaments in the cosmic web ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute. site sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Avec une petite nouveauté que vous pourrez voir dans la colonne de gauche, où vous pouvez découvrir des billets de Ça se passe là-haut pris au hasard depuis 5 ans bientôt que Ça se passe là-haut existe. Voilà, un petit gadget sympathique. D'ici là, je vous retrouve également sur les plateformes podcloud.fr et iTunes concernant ce podcast qui, rappelons-le, est la retranscription du blog. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon ciel à toutes et à tous. Restez bien les yeux là-haut, au ciel, et les pieds surtout sur terre, hein. Allez, salut !